Chapitre 17e. Le printemps qui suivit fut une époque mémorable dans les fastes de Bagrianovka. Savelli se fit construire une maison neuve. Un beau jour, le village vit arriver des charpentiers et des ouvriers de la ville qui se mirent au travail avec une prestesse bien rare. Les poêles s'élevèrent comme par enchantement au milieu des murailles de buis, et en quelques semaines, une maison d'apparence presque seigneuriale, construite sur un soubassement de briques, avec un perron sur la façade et un étage au-dessus du rez-de-chaussée, se dressa au bord de la rivière. Lorsque le jeune arpenteur vint passer au village ses 6 semaines de congé, il fut bien étonné de voir son père qui l'attendait auprès du petit bois, à 1/4 de lieue du village. Depuis 3 jours, Savelli venait s'asseoir là, sur une motte de terre, et attendait son fils pour lui faire la surprise de sa nouvelle demeure. Il monta dans la télègue qui ramenait le jeune homme, et dirigea le cocher vers la rivière. Philippe ne put en croire ses yeux en voyant sur le perron de la maison neuve sa mère coiffée d'un mouchoir de soie, vêtue d'une robe allemande de soie de Moscou, et étouffant dans sa lourde douche agrica ou paletot de damas ouaté. « Voilà, » dit Savelli, quand son fils fut entré dans la belle salle à manger spacieuse, où le samovar de cuivre rouge étincelant fumait sur la table recouverte d'une riche nappe damassée, de celle qu'on tissait au village sur d'anciens dessins pris on ne sait où. « Voilà la demeure que je t'ai préparée. Tu seras un seigneur, il te fallait une maison. Ta mère a revêtu les habits d'une marchande comme il convient. Moi, je garde mon cafetan, mais toi, tu seras logé comme un seigneur. Regarde » ajouta-t-il en ouvrant la porte d'une belle chambre à coucher meublée à l'européenne. Philippe restait ébahi. Son père le surveillait de côté d'un air impassible. Sa joie ne se trahissait que dans les petites rides frémissantes du coin de l'œil. « C'est trop beau, père !» s'écria enfin le jeune homme. « Vous avez fait tout cela pour moi? Vous avez renoncé à vos habitudes? Vous avez quitté la chère petite Isba? Tu l'aimais ?» fit le père d'une voix contenue. « Je crois bien que je l'aimais. Et tout cela, c'est pour moi. C'est pour toi, quand tu seras devenu un seigneur. Tu te marieras avec une demoiselle, pas avec une paysanne, » dit-il. Le fils de Savelli était véritablement touché de cette marque d'amour, autant que d'orgueil paternel. Il sentait que sa mère devait étouffer dans ses beaux habits, revêtus pour faire honneur au fils citadin. Il comprenait ce que chaque sou, dépensé pour la construction de cette maison soignée dans sa simplicité, avait coûté au colporteur de longues marches dans la neige mal tassée ou sous le soleil de juillet. « Vous êtes donc bien riche, mon père ?» dit involontairement Philippe. « Sois tranquille. « Après moi, tu en trouveras encore, » répondit Savelli, en allumant son inimitable pipe de caroubier. « Je ne fais plus que du grand commerce. Je commence à ne plus tant aimer les grandes routes. Je me suis mis à vendre du beurre, du blé, tout ce qui se vendait mal au village. J'ai fait connaissance avec des marchands de Moscou. On ne t'a pas parlé là-bas en ville de quelque chose qui va se faire ici ?»« Non, mon père, je ne sais pas, » dit Philippe, cherchant dans sa mémoire. « Ah si !» On pense que le chemin de fer va passer tout près. Vous aurez le pont à 2 verstes d'ici. » Savelli cligna de l'œil. N'en dis rien au village, n'est-ce pas? Ils sont enragés contre les chemins de fer. Ce n'est pas la peine de les contrarier. Quand il sera fait, on sera bien forcé de s'y accoutumer. Il y aura une station, hein? Je ne sais pas, dit le jeune homme. Eh bien, tâche de le savoir. Je le crois, moi, qu'il y aura une station. Bagrianovka est un grand village maintenant. C'était si pauvre autrefois, ajouta Savelli à demi-voix, comme se parlant à lui-même. Du temps de Bagrianov? Savelli regarda son fils d'un air à la fois craintif et mécontent. Du temps de Bagrianov, oui, répéta-t-il en rencontrant le regard placide et le franc sourire de Philippe. Celui-ci n'osa cependant pas s'aventurer plus loin. Ce que Savelli ne disait pas, c'est qu'il avait passé des contrats avec la plupart des paysans de l'endroit et des environs pour la totalité des produits agricoles qu'il pourrait lui fournir. Le passage d'une voie ferrée à Bagrianovka devait faire de lui un des plus riches négociants du district. Savelli partit avec son fils pour Moscou. Il fit tant et si bien que Philippe fut employé par la compagnie sur la partie du tracé qui avoisinait son village, et la station que Savelli demandait se trouva appuyée de si bonnes raisons qu'elle lui fut accordée. Les grands bourgs et même les villages ne sont pas assez fréquents en Russie sur les grandes voies de communication pour qu'on néglige ceux qui demandent la rosée céleste, sous l'humble forme d'une station de 3e classe. Vers la fin de l'hiver, pendant qu'on commençait à voir se dessiner la ligne du chemin de fer, une autre nouvelle arriva à Margrianovka. La vieille dame allait revenir. La compagnie concessionnaire lui avait pris une partie de sa terre, et elle venait s'assurer par elle-même de ce qui était fait et à faire. Seulement, comme elle n'avait pas d'asile, les communs même étant tombés en ruine pendant ce quart de siècle, on lui bâtit une maison dans son jardin, un peu plus bas que l'ancienne. Les fenêtres regardaient toutes du côté de la rivière, et un sentier fut tracé pour aller à l'église sans côtoyer la ruine. Cette maison, très simple, bâtie en rondin, était plus petite et moins élégante que celle de l'ancien colporteur. Au commencement de l'été, les habitants de Margrianovka virent arriver une barque qui s'arrêta au bout du jardin. L'eau, encore haute, venait presque jusqu'à la palissade. On n'eut pas de peine à transporter jusqu'à la nouvelle station les meubles que contenait la barque. Une foule de plantes à feuillage persistant, de cactus, de rosiers, de fleurs brillantes ou parfumées, suivirent les meubles et tapissèrent le petit salon. Puis, quelques jours après, une vieille calèche déposa devant le perron Madame Bagrianov et une toute jeune fille. Depuis 24 ans, Madame Bagrianov n'avait presque pas changé. Les yeux étaient un peu plus ternes, les cheveux étaient tout à fait blancs, mais le pauvre visage portait la même expression lasse et résignée qu'on lui avait connue autrefois. La vie ne lui avait pas été clémente. Après quelques années de repos passées à élever son enfant, une préoccupation nouvelle lui était venue. Un jeune officier de l'armée, son parent éloigné, et qui venait souvent dans la maison, s'était soudain épris de la petite Marie. Les jeunes gens s'aimaient, la mère consentit au mariage en pleurant. 18 mois après, la pauvre jeune femme s'éteignait, laissant à sa mère désolée une petite fille de 3 mois, si frêle et si chétive que nul n'eût osé lui prédire 8 jours d'existence. C'est pour prolonger cette vie toujours vacillante que Madame Bagrianov retrouva les forces et recommença le dévouement de sa jeunesse. Elle fut grand-mère comme elle avait été mère, de toutes ses forces, et elle oublia de pleurer sa fille en veillant l'enfant qu'elle lui avait laissé. Ce fut quelques années après, lorsque la petite Catherine eut vaincu les maladies de l'enfance, lorsque ses joues commencèrent à se roser et ses yeux à pétiller de malice juvénile, que Madame Bagrianov songea ce qu'elle avait perdu. Le deuil éternel de son cœur lui laissa une empreinte de mélancolie indélébile, et l'enfant prit l'habitude de ne plus rire et de jouer bien doucement auprès de la vieille dame, silencieuse et résignée. Catherine puisa près de sa grand-mère des habitudes de sérénité un peu tristes, quelque chose comme le gris teinté de rose des soirs d'automne, quand, après une belle journée de soleil, on sent la gelée monter à l'horizon. Elle grandit doucement, apprenant sans effort les vertus domestiques, adorant son père, qu'elle voyait en moyenne 10 jours par an, et qui trouvait moyen de s'échapper du régiment de temps à autre pour l'embrasser. Elle avait 15 ans lorsqu'elle vint à Bagrianovka avec sa grand-mère. Sans être très grande, elle était mince et allongée. Ses petites mains rouges, ses petits pieds agiles étaient toujours affairés. Sans bruit et sans apparat, elle était toujours occupée, le plus souvent à soigner ses plantes, qu'elle adorait, qu'elle avait presque tout élevé elle-même. À peine descendue de voiture, son premier mot fut pour ses fleurs. Le prêtre attendait Madame Bagrianov sur le seuil. À sa vue, la pauvre femme ne put retenir ses pleurs. Elle se jeta avec effusion au cou de l'excellent homme, qui pleurait comme elle. La femme du prêtre, entourée d'une demi-douzaine d'enfants de tout âge, vint la saluer aussi, et on passa dans le salon pour prendre le thé. « Vois, grand-mère, s'écria Catherine, elles y sont toutes. Il n'y a qu'un cactus qui a péri pendant le voyage, et le père Vladimir, qui l'a vu à l'arrivée, dit que c'est pour avoir été trop arrosé. » « Je vois que le père Vladimir et toi, vous allez être bons amis, » répondit Madame Bagrianov en souriant. « Ah, » dit-elle au prêtre, « que de souvenirs et que de malheurs. » Ne pensez plus au passé, ne songez plus qu'à ce grand bonheur qui grandit auprès de vous. » Madame Bagrianov s'essuya les yeux et regarda sa petite fille. Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer les parfums du jardin, où les gazons venaient d'être fauchés. Un rayon de soleil, enfilant la sombre avenue, éclairait Catherine penchée sur un fuchsia rouge en pleine floraison. Ses cheveux blonds, frisottant sur le front et sur la nuque, étaient traversés par la lumière et faisaient une sorte de vapeur autour de sa tête. Ses longs cils châtains dessinaient sur sa joue la courbe gracieuse de la paupière. La bouche, un peu forte, entr'ouverte comme une corolle, souriait légèrement aux fleurs épanouies. Fleurs elles-mêmes, à demi épanouies encore, Catherine ressemblait à une rose de haie, rougissante sur son buisson. « C'est un jeune bonheur, en vérité, » murmura l'aïeul. « Elle est jolie, » répondit doucement le prêtre, « et elle a l'air bon. »« Oui, c'est une bonne enfant. Ah, mes pauvres yeux. Imaginez-vous que je ne la vois que comme à travers un voile. Je serai bientôt aveugle, » ajouta tristement la vieille dame. « N'y songez pas, cela ne sert à rien. Dieu aura pitié de vous. Et puis, n'aurez-vous pas les deux yeux de l'enfant ?» L'aïeul secoua tristement la tête. Catherine vit qu'elle était triste et vint l'embrasser. Placée derrière elle, les deux bras sur les épaules de sa grand-mère, elle s'arrêta un instant, prenant possession par le regard de tout ce qui l'entourait. « C'est joli ici, » dit-elle. « Nous y serons parfaitement heureuses, n'est-ce pas, grand-mère ?» Et Catherine, s'asseyant tout contre le fauteuil de Madame Bagrianov, se mit à servir le thé.